Tous mes petits frères ils veulent l'argent du pavé. La voiture et le train de vie de fou de leur roi sané. Je leur fais la morale, j'ai vu la chute, t'étais pas né. Meilleurs amis peuvent séparer. Pas de Quechua, pas de North Face, pas d'Arc'teryx. Entre quartiers y'avait plein d'embrouilles. On calculait pas les risques. Capitalise dans les phases, capitalise dans les actes. Ta drogue cachée dans un grand sac. Le rendez-vous est pris pour la transac. Pour poser son cul bronzé sur un transat. Le flow d'un genre de playground. Je calcule pas les ventes et je crie Kobe quand je marque. La moitié de mes potes ils sont assis dans le parc. Je sais pas de quoi ils parlent car j'ai Biggie dans le casque. Courir après le temps c'est courir à sa perte. Fier de mes gens qui vont mourir à la chaîne. Je déteste la violence mais je bouge pour les miens. Comme les petites de Torino à Palerme. La sueur d'un athlète et le cœur d'un enfant. Assez naïf pour croire en l'amour, mais pas changer le monde en chantant. Maman m'a dit je suis meilleur qu'hier. On n'est pas plus libre en partant ailleurs. Le temps de vivre c'est déjà plus l'heure. Et la fin du film reste un mystère. Maman m'a dit je suis meilleur qu'hier. Le temps de vivre c'est déjà plus l'heure. Et l'été se meurt dans le froid de l'hiver. Papa m'a dit sois plus fort qu'hier. Pardon et merci dans mes prières. Parc des franges, passais la serpillière. Puis j'ai rempli l'assiette et la cuillère. J'suis devenu capitaliste par nécessité. Marginal ou radical pour la société. J'ai dû voler, j'connaissais pas la satiété. J'connaissais que la faim, le seum et l'anxiété. Beaucoup de peines et de blessures qui m'ont ôté le sourire de la figure. Mince le fossé avant le côté obscur. Mieux vaut éviter de craquer la fissure. La vie est belle certes mais la vie est dure. Pas de cure pour gommer les ratures. Dans la hure, c'est le karma qui fait la piqûre. Peu d'amour, j'ai mon armure. Car il a un goût de cyanure. Et j'ai froid. Oh oh oh oh oh oh. Yeah. Yeah. Maman m'a dit je suis meilleur qu'hier. On n'est pas plus libre en partant ailleurs. Le temps de vivre c'est déjà plus l'heure. Et la fin du film reste un mystère. Maman m'a dit je suis meilleur qu'hier. Le temps de vivre c'est déjà plus l'heure. Et l'été se meurt dans le froid de l'hiver. Maman m'a dit je suis meilleur qu'hier. On n'est pas plus libre en partant ailleurs. Le temps de vivre c'est déjà plus l'heure. Et la fin du film reste un mystère. Maman m'a dit je suis meilleur qu'hier. Le temps de vivre c'est déjà plus l'heure. Et l'été se meurt dans le froid de l'hiver.